waaw salaamaaleykum Sagaay. Waaw ndeysaan nam nañ leen nag waa CMA de production rek fi jaar fas yéene ba baaxle at bii nag ndeysaan. Xam nga man nag ba ma nee étudiant ndeysaan ma aayoon waaw chaque année maa jël fee aay. Dafa am sam benn gaar waaw dafa nilaar booy dafa nilaar teeru nilaar booy. Xam nga 1+1 sax booy waa ji da koy laaj xam nga mais chaque jour rek xam nga waa ji xam nga comme man yàlla daf ma may yërmande xam nga chaque jour ma dóoree devoir xam nga dama koy dóoral benn papier jox ko. Yàlla def nag mais xam nga nee pour que une règle soit confirmée il faut que y ait des exceptions xam nga mënoo ay tous les jours. Booy ñu ñëw ba befem booy xam nga ma daal booy dem oral. Xam nga booy saa waay topp saa fu ma dem mu topp ma dem oral mu topp ma oral. Booy ñu dem oral booy fees xam nga. Man moom wóor naa sama bopp jarul sax may révisé. Xam nga mais comme oral xam nga da ngay ñëw jàkkaarloo ak professeur bi war a teg xam nga. Ma ne ko léegi graaw léegi damay bàyyi man ma njëkk a dugg. Booy ma dugg xam nga rek ak sama intelligentsia xam nga rek nice ñëw xam nga mel ni benn homme bu ndaw. Taxaw. Waa ji ñëw la guerre mondiale quelle année. Ma ne ko la première guerre mondiale 1914 la deuxième guerre mondiale 1939. waa ji ne ma c' est bien. mu ne ma génne ma benn bouquin. Le Capital. Ne ma kii laa écrit. Ma ne ko c' est Max qui l'a commencé c' est Eger qui l' a terminé. Mu ne ma mais jeune homme toi t' es fort. Mu ne ma dernière question tu crois en Dieu. Ma ne ko bon certains n'y croient certains n'y croient pas mais moi je préfère me taire quoi. Mais croyance religieuse ça me regarde personnellement. mu ne ma Jérôme toi tu feras des merveilles un jour. Ma ne ko bon gaawul ma bon day. Ma génn xam nga puis saa waaye ne ko ah c' est bien mu ne ma arrêté naa lépp ok xam nga waa ji dugg xam nga rek booy Njogu dugg. booy Njogu ndeysaan jour boobu yàlla may ko malchance mais dafa dugg prof bi gaa ngi doon defar oral bi waa ji moo yoroon sëndë waa ji xamee ne Modou ndax xam na ni Modou du jàngkat. mu ne bon da koo jox saasam bàyyi ko mu jàll. mu ne ko Modou ça va. xam nga mais en fait ñaari tournée parfois gaa ngi ko wax Modou parfois ñu ne ko Njogu. boo ko bëggee mettre en confiance Modou lañ koy wax mais bu ñu génnee turu ni laa Njogu. mu ne ko Modou ça va mu ne ko oui. mu ne ko bon des questions simples quoi. t'es né à quelle année. mu ne ko je suis né pour la première fois 1918. pour la deuxième fois 1939. mu ne ko alors c' est qui ton père. mu ne ko c' est Max qui l' a commencé c' est Hegel qui l' a terminé. mu ne ko mais t' es fou quoi. mu ne ko certains n' y croient certains n' y croient pas mais moi je préfère ma terre. booy xoolal fa lañ ko jaar booy fichier ko booy ba waaw maa la dee dal waaw wa salaam waaw wa lay wa di changement.